Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons un Dieu plein d'amour, plein de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Je vais parler à quelqu'un. C'est vrai que tu t'es éloigné de Dieu, tu es tombé dans les péchés. J'aimerais te dire que si tu reviens de tout ton cœur, le Seigneur est capable de te réhabiliter encore. Tu peux retrouver la joie de vivre. Tu peux retrouver la joie de servir le Seigneur. Tiens bon, le sang de Jésus peut te purifier, te pardonner. Tu peux recevoir le pardon. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération Sur la Brèche. Nous allons lire Néhémie chapitre 1, 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Néhémie chapitre 1, 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que nous devons nous intéresser aux autres, à leurs problèmes. Nous intéresser aux problèmes de notre pays, de notre famille, de ceux qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur. Dieu t'a élevé. Tu es devenu ministre. Tu es devenu député. Tu travailles dans une organisation internationale. Un directeur général. Tu as la facilité de côtoyer de grandes personnalités. Mais mon ami, n'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas les souffrances de ceux qui vivaient avec toi. N'oublie pas les souffrances de ceux qui vivaient avec toi dans les quartiers. Peut-être que toi, tu as déménagé, tu es dans une grande villa, mais avant cela, tu étais dans un quartier précaire. Intéresse-toi aux autres. Sois ouvert. Ne crée pas des barrières au point où les gens ne peuvent même pas te saluer. Au point où les gens ne peuvent même pas te rencontrer pour t'expliquer leurs difficultés. Néhémie est un modèle à suivre. Néhémie était échanson du roi. Il était à Suse. Il travaillait dans la cour royale. C'était quelqu'un qui était hautement placé, bien placé. Il était dans l'aisance. Mais son cœur était toujours à Jérusalem. Son cœur était toujours dans son pays. Il se préoccupait du sort de sa nation. Mais regardez, il est dit au verset 1, « Parole de Néhémie, fils d'Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assis dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. » Vous voyez? Lorsqu'on s'intéresse aux autres, on peut leur tendre la main. On peut ouvrir la conversation. Vous voyez? C'est Néhémie, lui qui était élevé, qui a commencé, qui a démarré la conversation. Je vais parler à toi, mon ami. Lorsque tu rencontres les autres même sur la rue, est-ce que tu peux même les saluer? Est-ce que tu peux leur demander comment ça va? Lorsque tu rencontres tes frères qui sont démunis, tu rencontres ta mère, ton père, tu rencontres tes amis avec lesquels vous avez été au lycée, est-ce que tu peux même leur adresser la parole pour dire comment ça va? Il y a des gens qui se barricadent, mon ami, c'est pas bon. Lorsque Néhémie a reçu la visite de l'un de ses frères. C'est lui qui les questionnait, vous voyez. C'est ça l'esprit d'ouverture. Je vais parler même à une sœur, écoute-moi bien. C'est vrai que tu travailles, tu as un grand poste, chef de service. Mais écoute, ton problème de mariage là peut tarder tant que tu n'es pas ouverte. Quand tu vas à l'église, tu as toujours les visages fermés. Tu ne veux pas parler aux autres, tu ne veux pas s'allier aux autres. Sois ouverte. Apprends à adresser la conversation. Apprends à poser des questions même aux autres pour leur demander comment ils s'appellent, où ils habitent. Vous voyez, c'est cette ouverture qui peut te permettre de rencontrer les autres, de connaître qui ils sont et pour nouer des relations, pour savoir aussi comment tu peux leur venir en aide. Néhémie dit, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons parfois poser des questions pour savoir comment notre village se porte, comment nos frères se portent, comment notre parent, notre père, notre mère se portent. Je parle à quelqu'un, tu es à l'extérieur du pays, tu es à Paris, tu es à Londres, tu es au Canada, tu es à Montréal, tu es peut-être aux États-Unis. Mais est-ce que tu t'intéresses? Ça fait plus de 5 ans que tu vis là-bas. Est-ce que tu t'intéresses encore à la vieille? Toi, tu es dans l'aisance. Tu prends le métro. Est-ce que tu t'intéresses pour savoir comment cette vieille-là, qui a dépassé 50 ans, si là, elle a même un moyen de locomotion? Est-ce que tu t'intéresses sur sa santé? Néhémie a posé des questions. Et lorsqu'elle a posé des questions, c'est là où les autres lui ont répondu. Deuxième vérité, il y a des nouvelles qui ne devraient pas nous laisser indifférents. Ce sont des nouvelles que nous apprenons comment les autres souffrent. Comment notre peuple souffre? Comment les frères et sœurs avec qui nous avons grandi souffrent? Comment nos parents souffrent? Comment nos compatriotes souffrent? Bien-aimé, quand tu attends de telles nouvelles, tu ne devais pas être indifférent. Tu dois avoir un cœur qui réagit. Le verset 3 dit, « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Et le verset 4 dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fis plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez ce qui a fait que Néhémie se sente touché. Il y a 3 informations ici qu'on lui donne sur son pays. On dit que son pays était au comble du malheur. Bien-aimé, parfois c'est au niveau de nos familles. Tu regardes la famille dans laquelle tu es né, c'est au comble du malheur. Il y a des morts en cascade. On dit que la sorcellerie est en train de ravager les gens. Presque tout le monde adore des dieux des eaux, des idoles. Les gens sont malheureux. Il n'y a que des divisions. Les gens ne s'entendent pas. Les jeunes filles ne se marient pas. Les jeunes garçons, il y a même ceux qui se livrent à la drogue. Quand tu entends ces choses, est-ce que ça ne te touche pas? Même si toi tu es déjà converti, toi tu n'es pas concerné. Ici on parle aussi de l'opprobre. L'opprobre c'est une humiliation profonde. Il y a des moments où tu sens que dans ta famille, tout le monde est dans l'opprobre. Tes parents n'ont même pas une maison où rester. Ils dorment dans une maison qui suinte. Ils sont dans des conditions déplorables. C'est-à-dire quand tout le monde regarde tes parents, quand tout le monde regarde ton village, tout le monde, donc vous vous sentez humilié. Toi-même, tu es dans l'opprobre, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu regardes ton peuple, tu vois comment les gens souffrent. Les gens ne peuvent même pas manger. Avoir même un repas par jour, 2 repas par jour. Quand tu sens cela, ou bien quand on t'informe, toi qui es dans l'aisance, tu dois te dire, mon peuple est dans l'opprobre. Ma famille est dans l'opprobre. Tu ne dois pas rester indifférent. Troisième information dit, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Vous savez qu'au temps du roi Nebuchadnezzar, l'armée babylonienne est entrée dans Jérusalem. Ils ont détruit le temple, mais ils ont détruit aussi les murailles qui faisaient la fierté, la protection de la ville de Jérusalem. Toutes ces murailles étaient en ruine. Les murailles aujourd'hui peuvent représenter beaucoup de choses dans nos vies. Par exemple, dans une famille où presque tout le monde divorce. Les gens ne font pas plus de 5 ans, 10 ans. Ta sœur t'est mariée et puis elle n'a pas tenu. Presque tous les foyers volent en éclats. C'est comme si les murailles sont en brèche, en ruine. Les gens qui ont travaillé, presque tout le monde a perdu l'emploi. Est-ce que tu trouves ça normal? Celui-là a commencé à travailler et pour un rien, on l'a licencié. L'autre a commencé à travailler, on dit que leur société est tombée en faillite. L'autre, on l'a licencié abusivement. Ça montre que les murailles de votre famille sont en ruine. Rien ne marche. Les gens sont dans la pauvreté profonde. Il y a des morts de manière cyclique. Il y a des gens à une certaine période, soit c'est le troisième trimestre de chaque année, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Les murailles sont en ruine. Lorsque tu vois cela, tu ne dois pas rester indifférent. Quand Néhémie a appris ce qui se passe, on dit que les murailles de Jérusalem sont en ruine. Nous sommes dans l'opprobre, dans l'humiliation. Ça l'a poussé dans la prière et les jeûnes. Vous voyez, la première chose, la première réaction, quand tu vois l'opprobre de ton peuple, de ta famille, tu vois comment les gens sont liés par Satan, par les démons, tu dois venir dans la présence de Dieu. Programmer des temps de prière. Programmer même des temps de jeûne pour commencer à intercéder. Quand tu vois des choses qui se passent au niveau de ta nation, ta première réaction, ce n'est pas de chercher à critiquer les autorités, de commencer à parler, mais de chercher la face de Dieu pour que Dieu te donne une orientation, pour t'humilier, pour prier, pour intercéder. C'est ça la réaction de Néhémie. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à voir le cœur qu'avait Néhémie. On dit, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Que Dieu fasse de nous de tels intercesseurs qui ont un cœur compatissant, qui peut porter notre nation devant son trône. Nous allons louer ce Dieu-là. Nous allons le glorifier en chantant ce cantique. gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit, élevons nos voix, bénissons le Seigneur, lui qui nous enseigne, lui qui nous garde, lui qui nous protège, lui qui est capable de restaurer nos vies, de restaurer notre peuple, de restaurer notre famille. Amen. Nous rappelons que nous sommes à OSB. Notre texte de base, c'est Néhémie chapitre 1, versets 1 à 4. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir dans ce passage que nous devons nous intéresser aux problèmes des autres, aux problèmes de notre famille, aux problèmes de notre peuple. Et quand nous nous intéressons aux autres, nous devons leur adresser la parole, leur poser des questions. Et ils peuvent nous répondre. Comme ça, nous pouvons avoir des informations utiles qui peuvent nous aider dans la prière. Bien-aimés, prions pour que Dieu crée en nous cet esprit d'ouverture, même au niveau de nos églises. Quelle que soit ma fonction, quel que soit le niveau de vie, quel que soit le poste que j'occupe, que nous sachions nous humilier pour parler, pour côtoyer même le bas peuple, pour palper du doigt leurs souffrances, leurs difficultés, comme ce fut le cas de Néhémie. Prions le Seigneur. Tendre Père, je te louerai de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, toi qui es le Dieu très haut. Ce matin, ô Père éternel, c'est avec joie que j'exprime toujours ma reconnaissance pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations. Je prie, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tu nous accordes l'esprit d'humilité, que tu nous permettes, ô Père éternel, de pouvoir être proche des membres de nos différentes communautés, afin de cerner leurs différentes préoccupations et avoir ainsi des sujets de prière. Je prie au Père dans le nom de Jésus-Christ afin que tu puisses nous donner cet esprit d'ouverture qui nous permettra de nous intéresser des défis, des difficultés, des problèmes des autres, des difficultés, des problèmes de notre prochain, des problèmes des membres de notre communauté afin que nous puissions les aider dans la prière, les soutenir dans la prière, partager leurs peines et te les présenter. Nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous cet esprit parce que nous sommes disposés à te servir, nous sommes disposés à contribuer à l'avancement de ton œuvre. Que tout obstacle à cette humilité soit ôté de nos vies au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage soit enlevé au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions être toujours efficace dans tout ce que nous faisons. Nous voulons contribuer ainsi à l'avancement de ton œuvre au sein de nos communautés, dans nos foyers, au lieu du travail et dans nos quartiers. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions à tous égards. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, Néhémie a entendu. Les nouvelles sont lesquelles son peuple était dans le malheur, dans l'opprobre. Le muraille était en ruine. Chacun va examiner sa famille. Ne va pas loin. Fais le tour de ta famille. Regarde, est-ce que tu ne vis pas dans l'opprobre? Est-ce que ta famille n'est pas dans l'opprobre, dans la misère, au point où tout le monde se moque de vous? Est-ce qu'il n'y a pas de problème, des sorcelleries qui font des ravages, de blocage des jeunes gens, des jeunes filles qui ne peuvent même pas se marier? C'est généralisé. Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans votre village, au point où il n'y a même pas quelqu'un qui a construit une maison dans votre village, alors qu'il y a des grands cadres qui sont là? Est-ce qu'il n'y a pas des choses anormales que tu remarques au niveau de tes parents, au niveau de tes enfants? Tu vas prier le Seigneur pour qu'il nous donne ce cœur-là qu'avait Néhémie. Tu vas intercéder en faveur de ta famille pour dire au Seigneur de restaurer, de réparer toutes ces murailles, de faire sortir ta famille dans l'opprobre, dans le malheur, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons maintenant faire le tour de notre nation, chacun son pays. Quelles sont les nouvelles? Peut-être que toi tu es élevé, mais quelles sont les nouvelles que tu vois au niveau de ton peuple, au niveau de ceux qui habitent dans des quartiers précaires, bien-aimés dans le Seigneur? Peut-être qu'il y a des pandémies, peut-être qu'il y a la misère, peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, même pas à manger un repas par jour. Il y a des pandémies qui font des ravages, il y a des gens peut-être qui n'ont pas la capacité de se soigner. Nous allons intercéder pour nos nations, pour le besoin que le Seigneur nous met à cœur, afin de faire sortir nos nations dans la misère, dans l'opprobre. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre rendez-vous ce samedi. Nous aurons notre sortie des célibataires bonheur conjugal au lycée Mamie Fété de Bingeville. Ce samedi à partir de 9h jusqu'à 14h. La mise en place va commencer à 8h. Si tu n'as pas encore ton ticket, viens prendre ton ticket à la radio Fréquence Vie. Il reste quelques tickets seulement à 1500 francs. C'était OSB. Au revoir et à demain.